L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Il a été animateur de l'émission Culture Ado sur Fadjet, aussi d'une autre émission qui s'appelait l'Oxfam. C'est Yoni. Bonjour Yoni. Bonjour Yves. Et on a le plaisir de te retrouver quelques années après ton passage ici, pas pour parler radio, mais pour parler musique, car tu viens de sortir un titre, c'est ça ? Oui, c'est bien cela. J'ai sorti un titre sur toutes les plateformes qui s'appelle Show Me. Alors on va en parler, mais avant ça, peut-être un retour pour nous dire un peu qui tu es. Tu as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Je suis en double licence, droit économie à la Sorbonne. J'ai effectué toute ma scolarité à Nancy et là, récemment, j'ai déménagé à Paris pour mes études. Et à Nancy, donc, tu étais au lycée Jeanne d'Arc ? Jeanne d'Arc, oui. Voilà. J'étais en section internationale et je venais tous les mercredis à Fadjet pour animer une émission. Donc cette expérience radio, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Déjà, elle m'a permis de mieux me sentir à l'aise quand je prends la parole. C'est quelque chose que je ressens aujourd'hui, même avec les exercices proposés à l'université. Et aussi, être à l'aise de parler de sujets de société et toujours de soutenir son point de vue et de s'exprimer en fait ce que j'ai à dire. À partir du moment où je justifie, je me sens à l'aise de m'exprimer. Et plein de bonnes rencontres aussi. Parce que grâce à mon émission, je pouvais inviter, étant donné que j'étais plutôt animateur, donc du côté régie, je pouvais inviter plein de personnes, faire la programmation et avoir des invités géniaux chaque semaine et c'était super. Et du rôle d'animateur au rôle de chanteur, comment ça s'est fait ? En fait, j'ai toujours chanté. C'est pas une surprise. J'ai toujours chanté, mais en fait, il y avait une époque où je me sentais plus à l'aise de faire des covers, donc des reprises de chansons d'autres artistes, parce que j'avais pas littéralement vraiment trouvé ma voix. Et aujourd'hui, je me sens plus que jamais à l'aise dans la pop et j'ai commencé à écrire mes premières chansons suite à un premier concert auquel j'ai assisté et qui m'a beaucoup... qui m'a beaucoup motivée à écrire aussi, à me projeter dans cet univers d'écriture et d'interprétation. Et donc, ça s'est fait naturellement, mais ça a toujours été une partie de moi, on va dire. Avant d'écouter le titre en entier, on va juste en écouter un extrait. If you take me there, I promise I can make you feel. Show me that you're confident. Now I don't wanna see it, I just wanna feel it coming from you. Show me that you're confident. You're moving low, you're oh so slow. Time keeps moving low. Show me that you're confident. Donc on vient d'écouter un extrait de Show Me. Tu peux nous en dire quelques mots, quelle est son histoire ? Alors Show Me, c'est un titre qui a été écrit assez rapidement et qui en fait, je dirais, parle un peu de cette dualité qu'il y a entre ce qu'on veut montrer aux autres versus ce qu'on ressent nous-mêmes. Parce que je trouve, alors c'est une chanson pop, alors certes qui est dansante et qui paraît assez insouciante et légère, mais en fait, je dirais que grâce aux réseaux sociaux, on est tous devenus experts à se montrer plus que jamais confiants. Sauf que dans cette chanson, je demande à la personne du coup en face de moi de vraiment montrer sa confiance en elle et pas juste de l'exposer auprès des autres, mais de montrer la confiance. Voilà. C'est un titre très bien produit. Merci. Comment on en arrive à l'idée de faire un titre et puis de le produire ? Tu n'as pas fait ça tout seul, j'imagine ? Non, j'ai eu... merci pour la question. J'ai eu la chance d'être accompagnée dans un studio, du coup, Studio Crous de Paris, qui a mis en fait à disposition des étudiants un studio avec un technicien qui est là pour produire nos sons, nous accompagner. La musique, j'ai réussi à la dénicher en ligne et à payer les droits. Mais tout ce qui est texte, etc., j'ai pu être accompagnée et j'ai pu poser ma voix dans le studio très sereinement et être accompagnée. Aujourd'hui, ce titre, il est disponible partout ? Il est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music. Et tu as donc trouvé le temps, malgré tous tes cours, ta double licence J'ai trouvé le temps parce que c'est pour moi une véritable passion, dans le sens que même quand j'étais au lycée, que j'étais débordée, je trouvais toujours le temps. Et c'est important pour moi à la faculté de continuer à faire ce qui me fait ressentir vivant et tout simplement à écrire. Vraiment prendre le temps d'écrire des chansons, plein de chansons, et choisir celles qui sont les meilleures. Alors on va écouter ce titre, il en est au tout début de son histoire. Est-ce que tu penses déjà à renouveler l'expérience ? J'imagine que oui. Oui, un deuxième single va sortir à la mi-avril. Et ensuite, j'aimerais prendre un peu de temps pour moi et peut-être sortir quelque chose de plus long, comme un EP ou un album. Je ne sais pas encore. Eh bien, on va suivre ton actualité, comment on fait aujourd'hui ? Pour monsieur, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est yoni.blt, donc joni.blt. Et on écoute Yoni avec Show Me. Merci Yoni. Merci à toi. You know you don't have what it takes to be free. You always seem preoccupied with people and things. Have you heard the rumors? Did you check my show? Paparazzi's coming and I'm counting on you. Every move is practice, every smile's a show. I don't need your mask, baby, I just wanna know. Life is not a circus, this is all so real. If you take me there, I promise I can make you feel. Show me that you're confident. a feeling coming from ya. Show me that you're confident. Baby, now you're moving low, you're oh so slow. Time keeps moving though. Show me that you're confident. Now I don't wanna see it, I just want a feeling coming from ya. Show me that you're confident. Baby, now you're moving low, you're oh so slow. Time keeps moving though. You see you're fine, I can see through the scene. Every word rehearsed like it's on a screen. Did you lose the moment? Did you miss your cue? Spotlight's fading out, I'm still watching you. Every move is practice, every smile's a show. I don't need your mask, baby, I just wanna know. Life is not a circus, this is also real. If you take me there, I promise I can make you feel. Take me higher, take control. Let it burn, don't let it go. Confidence is all I taste. Make me lose, but don't erase. Show me danger, show me proof. Every lie still feels like truth. In your shadow I remain. Say my name and play. A feeling coming from ya. Show me that you're confident. Baby, now you're moving low, you're oh so slow. Time keeps moving though. Show me that you're confident. Now I don't wanna see it, I just wanna feel it.